de Jean-Marie Besset. La femme qui achète des valises. The big red suitcase. How much? 25 euros. I give you 10 euros. 20, Samsonite, 20. No Samsonite, copy. 10 euros. 20, good quality, 20 euros, very good. And this one, the blue one. How much for the vanity case? 18 euros. I'll give you 9. No, madame, no good. What if I take all three? All three luggage, what is your best price? 55 euros, last price, very good deal. 30 euros, last price. No, no, no. You American? Too much souvenir for the plane. You buy suitcase, I help you. Non, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas de souvenirs. Je suis juste une Française qui achète des valises. Vous partez en voyage? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comme vous achetez toutes ces valises, j'ai cru que... Vous avez l'esprit logique. Moi, j'ai l'esprit d'escalier. Ça veut dire quoi, l'esprit d'escalier? Ça veut dire que vous avez tout faux. En fait, je les collectionne. Je suis la fille qui achète des valises. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, ces valises, ici? Rien. Elles sont neuves, mais elles ont déjà l'air vieux. C'est ça qui me plaît. Tu t'y connais? On est où, ici? On est où? Porte de Clignancourt. Ouais. Ici, on est Porte de Clignancourt. Et on va où, d'ici? Dans le Nord. Et il y a quoi, dans le Nord? Bah, le Nord de Paris. Le 9-3. Exact. Il y a quoi, dans le 9-3? Saint-Denis, Bobigny... Oui, et il y a quoi d'autre? Bon, je donne ma langue au chat. Il y a l'aéroport. Tu devrais savoir ça, toi. Toi qui achètes des valises, c'est la route de l'aéroport. Le type, les bagages, il les récupère à Roissy. À tous les coups, il a un cousin sur place, douanier ou bagagiste, genre les bagages perdus, abandonnés, confisqués. Il y a tout un trafic. Lui, il les a gratos. Laisse-moi faire. C'est les trois là que tu veux? Je t'arrange deux coups. Puis je te la ramène même à la maison, si tu veux. Ouais, d'accord, je veux bien. T'es gentil comme tout, toi. La fille qui achète des valises en anglais. C'était vachement mignonne aussi. T'as pas besoin de me dire tout ça, je t'ai dit que c'était d'accord. T'es d'où? T'es de l'Est? Non, pourquoi de l'Est? Je suis du Midi. Du Midi? Oui, ma mère est de Narbonne, je suis née là-bas. T'as pas d'accent? Mais ça fait longtemps qu'on n'y vit plus. Je m'appelle Alice. Moi, je m'appelle Joe. Ça se prononce à l'américaine, Joe. Joe. C'est si important que ça d'où on vient? Tu peux pas te contenter de ce que tu vois? Comment ça? Bah, de moi, comme je suis là. Alors là, je vais te dire, tu me plais juste comme t'es là. Là, maintenant, tout de suite, en ce moment. Peut-être même que ce sera jamais aussi bien. On bouge? Ouais, mais je vais en finir avec ces bagages. Moi, j'en étais à 35 et lui, 50. Hey, you! Three bags here! Give me change. 50. 50. Mais non, c'est trop! Il faut marchander. Écoute, c'est pas les valises, c'est toi. Toi, tu les vaux bien, je trouve. Ok, ok. Ok? Ok, yes, merci. Thank you. Voilà. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me les offres? Ouais, j'ai de la chance ce matin. T'en profites? Normal, c'est un cadeau. Un cadeau de rencontre. Un cadeau de rencontre? Ça n'existe pas. Alice. Je peux t'appeler Alice? Oui. C'est la Porte de Clignancourt. Ça a l'air comme ça, le marché aux puces, les stands, des petits commerces tranquilles. Tu sais, il y a tout un trafic qui se passe ici. Et que tu vois pas. Du trafic? Ouais, des resquis. Il y a plein de resquis qui se passent. Surtout pas une belle journée comme ça. Ouais, je m'en doute. Pas ce que tu crois, hein. Tu fais des trucs dangereux? T'es un mauvais garçon? Mauvais. Pas forcément pour toi. Peut-être le bon pour toi. Le bon garçon. Alice. Un mentor. Quand je pense que je me retrouve chez toi. Oui. Mais t'es promis de jamais remettre les pieds dans ton antre. Toujours ce malheureux incident? On peut dire ça comme ça. Mais j'ai purgé mon cœur, j'ai extirpé l'idée de ma tête. Ah, c'est un nouveau départ alors? Je suis clean. Si je pose mon bras sur l'accoudoir de ce fauteuil, je peux espérer que ta main ne viendra pas atterrir sur la mienne. C'est vraiment cruel de ta part de revenir là-dessus. J'avais bu, je t'ai demandé dans la rue à 3 heures du matin si tu voulais monter prendre un verre. Tu as accepté. T'as cru que c'était arrivé. Depuis qu'on se connaît, t'aurais pu comprendre que si quelque chose avait dû se passer... Je me sentais en sécurité avec toi, j'avais confiance. Je t'ai présenté mes excuses. Je t'ai écrit, nous avons échangé je ne sais plus combien d'emails. Tu m'as pardonné, non? Enfin, c'est injuste de reparler de ça. Ah, injuste. C'est ton mot, bien sûr. Si tu te mets à plaider, je sais que je n'ai aucune chance. Monsieur le grand avocat. Bon, parlons de ce qui t'amène vraiment. Bon. J'ai besoin de tes conseils. C'est vrai. Sur une chose qui m'arrive. Je voulais te voir au calme, en évitant tes lieux branchés, là. Je t'écoute. Tout a commencé presque en même temps que le fameux incident. En fait, c'était le soir où on avait dîné ensemble, dans ce restaurant thaï, presque à l'angle de la rue du Louvre. Avec ma copine greffière, qui était complètement pétée. Oui. Après ce dîner inutile, je vous ai largué et je suis rentré à pied. Il était quoi? 1h du matin? Je marche, rue Saint-Honoré, et je croise cette fille. Étonnante. Tout de suite, je vois qu'elle est étonnante. Je me retourne, elle se retourne. Je m'arrête. Elle continue de marcher, et elle se retourne une deuxième fois. Elle sourit. Je rebrousse chemin. Elle s'arrête. Elle rit. Elle attend que j'arrive jusqu'à elle. Je dis... Vous avez le temps pour un dernier verre? Pour ce genre de truc, la rue Saint-Honoré est une rue qui a de l'expérience. Et elle me dit, j'habite juste en face, de l'autre côté de la rivière, on n'a qu'à aller chez moi. Elle appelle ça une rivière? Oui, et je me dis, c'est une pute. Mais en même temps, elle a un air rebelle, tu vois, et sain. C'est quoi un air sain? Ben, fille de Bourges, quoi, pas du tout l'air d'une pute. Chez vous, je dis. Oui, enfin, chez mes parents, elle dit, mais c'est un grand appartement et à cette heure-ci, de toute façon, ils dorment. Chez ses parents. Et je lui emboîte le pas. Tu vois, c'est trop. Je réfléchis plus. Je la suis, c'est tout. La pulsion pure. Oui. Vous faites quoi par ici, elle dit. Je viens juste de dîner avec des amis, je dis, et vous? Je sors du théâtre, elle dit. À cette heure-ci, je dis. C'était le soulier de satin, elle dit. Vous aimez Claudel? Ah bon? Si elle sortait de 11 heures de Claudel, elle était prête à se jeter sur n'importe qui, non? Oui, c'est ça. Et elle me dit que ça durait 11 heures. Là, c'est un indice quand même. C'est clair que c'est pas une pute. On arrive chez elle, enfin, chez ses parents. Donc, vieil appartement bourgeois de la rue de Rennes, avec plein de couloirs, de recoins. Je croise sa mère, qui dort pas, et qui a, genre, ton âge. Elle me présente en disant « un copain ». « Bonne nuit, ma chérie », dit la mère, en buvant de la Volvic. Je vois pas le père. Elle m'entraîne dans sa chambre. C'est genre foutoir complet, des vidéos partout, une énorme télé. Elle me dit qu'elle est étudiante, qu'elle est ouvreuse dans le cinéma en face, qu'elle fait une thèse sur Madame de... Louise de Villemorin? Je sais pas. Elle me fait tout un baratin sur ce film que je connais pas. Ah, le film! Elle fait des études de cinéma? Ouais. Elle me demande si je veux qu'on le regarde. Je dis qu'il est un peu tard, je croyais que c'était un porno. Quoi? Le film d'Ophuls? Oui, oui, je sais. Depuis, j'ai loué le film. Mais sur le moment, je savais rien de tout ça. Bref, elle range un peu. Son dessus de lit. Et elle se roule un joint. Je me dis que c'est une droguée, d'autant que sa mère m'a paru 13-68 tardes à tarder. C'est pas ce que tu crois, elle me dit. J'étais accro, mais je me soigne. C'est ma mère qui me fournit le joint. C'est un mélange ad hoc pour se désaccoutumer, en fait. Elle enlève son jean, son t-shirt. Comme un fruit qui se pèlerait tout seul. Et elle va, elle vient, elle veut allumer son joint, elle prend un briquet, elle sort chercher des allumettes, elle revient, tout ça complètement nu. Et moi, évidemment, je suis assis sur le lit, fou de désir. Elle a un patch sur le côté gauche, au-dessus de la hanche, elle le décolle. Ça c'est pour le tabac, elle dit, arrêtez de fumer. T'attends quoi? Dessape-toi. Et là, Herman, on a tout fait. J'ai jamais eu l'impression d'une débauche pareille. Elle a ouvert des sensations en moi que je savais même pas que ça pouvait exister. Deux animaux, voilà. On est en nage, ça glisse de partout. Je lui dis qu'elle est à moi. Je lui dis de dire qu'elle est à moi. Dis que t'es à moi, je lui dis. Elle dit oui. Mais je veux qu'elle dise les mots, qu'elle dise la phrase. J'insiste. À la fin, elle le dit. Je suis à toi, elle dit. Oui, bon, je suis ravi pour toi, mais je vois pas en quoi tu as besoin de mes conseils. Je suis amoureux. C'est la passion, tu vois. Je peux pas supporter de pas la voir. Je veux qu'elle vienne à Shanghai. Quand je suis à Paris, on se voit tout le temps. Mais elle est où, là? Là, elle travaille, là. C'est la séance de 19h, elle fait entrer les gens. Et c'est quoi, le problème? Bah, c'est... C'est difficile à dire. Tu vois, physiquement, ça va très bien. Très, très bien. Enfin, j'espère. Enfin, j'ai jamais connu ça avant, je te dis. Eh ben, formidable. Oui. Pardon de te dire tout ça comme ça, mais c'est pour que tu comprennes. Pour moi, c'est devenu... C'est une question de vie ou de mort, de continuer à la voir, surtout que ça s'arrête pas. Et pourquoi ça s'arrêterait? Oui, mais... Quand on n'est pas en train de baiser, on parle. Et là, c'est difficile. Vous vous engueulez? C'est pire que ça. Je sais même pas comment faire. Elle parle. Elle est hyper intello, tu vois. Elle connaît plein de trucs. Elle est dans la psychanalyse, les choses de culture et tout. Elle emploie des mots comme société patriarcale. Elle est comme toi, en fait. Ah, c'est ça. Et moi, tu me connais, je suis... C'est pas mon truc, quoi. Déjà, à Centrale, je séchais le cours d'initiation à la culture générale, qui était obligatoire. J'ai rien qui soit ses références à elle. En plus, franchement, je trouve que tout ça, c'est du pipeau. Alors je dis toujours le mot qu'il faut pas. C'est quoi? Un tremblement de terre? Si tu veux, c'est le RER. On l'entend comme ça? En général, c'est plutôt tard dans la nuit, pas tout le temps. Ça doit être une rame de maintenance très lourde ou je sais pas. Enfin, c'est impressionnant. Elle m'a foutu à la porte il y a 3 jours. Ah bon? Mais vous vous parlez? Non. Elle a coupé son portable. J'ai pas son téléphone fixe. J'ai essayé de l'attendre devant le cinéma. Elle a dit que si elle me revoyait là, elle prévenait les flics. Mais dis donc, elle est psychotique, non? Je suis très, très, très malheureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était jeudi. J'étais étendu sur son lit et j'avais sorti mon portable. Je consultais vaguement les cours sur le net, tu vois. Et là, elle m'a jeté un bouquin sur le lit. Et elle m'a dit, tiens, tu devrais lire ça. Un bouquin? Roland Barthes. Le discours amoureux. Un fragment d'un discours amoureux. Oui, oui. J'ai dit, ouais, on l'avait au programme en prépa, c'est bon pour les garçons coiffeurs, non? J'ai juste dit ça, c'est tout, je te jure. Et elle m'a balancé mon pantalon à la gueule, et elle s'est mise à hurler, bon, ok, cette fois tu fous le camp, tire-toi, allez, tire-toi. Froidement. Elle avait un air si méchant, si cruel. J'ai obéi, je suis parti. Mais pourquoi tu me racontes tout ça? Tu me reprochais ma petite pulsion de rien du tout, maintenant tu m'imposes ta pulsion à toi. Les hétéros, vous êtes vraiment incroyables, vous vous croyez tout permis. Vous êtes pareil, elle et toi. Toi encore plus d'ailleurs, t'as tout lu, tout vu, tu connais tout. Et puis elle est juive, comme toi. Ah. Tu peux m'arranger le coup? Si elle voit qu'on se connaît, si je lui dis que t'es mon meilleur pote, c'est bon pour moi. Il faut que tu lui parles de moi, que tu lui expliques qui je suis et tout. Je suis sûr que... Mais je n'ai aucune envie de la rencontrer, cette fille. Ça va pas à la tête, non? Fais ça pour moi, Herman. Si t'as de l'affection pour moi et tu dis que t'en as, il faut m'aider. Je sais plus où j'en suis, là. Je suis perdu. J'en crève de plus la voir, t'entends? Je repars dimanche à Shanghai et j'ai envie de mourir. Oh là là là là là là, mais tu es fatigant, Agi. Elle est ouvreuse à l'Arlequin. Ben voilà, t'as qu'à y aller. Je sais quel jour elle travaille. Tu fais sa connaissance, t'es gentil avec elle, tu sympathises. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? On aurait des écarts encore une plus importants. Une mère de bon sens. Gays et lesbiens à Paris qui ont... Pardon, les homosexuels et les juifs. Qui est d'échelle nationale, les juifs et les homosexuels. L'immigration de week-end, on n'entend plus parler que de ça. Sur France 2, un documentaire sur les juifs. Tu passes sur Arte, toc! Un téléfilm avec des homosexuels. Maman... Bah, t'as qu'à regarder. Là, la déportation des juifs du 11e arrondissement. Et là, deux homosexuels qui vivent en couple dans le Nord. Maman... Quoi? C'est pas vrai, peut-être. Regarde. Mais regarde. Alors forcément, moi qui suis concernée par aucune de ces deux questions... Maman! Moi qui suis juste native de Narbonne... J'ai plus le droit d'exister. Finalement, ça viendrait se rajouter. Je paie la redevance aussi, pourtant. Je vais te prendre le câble, moi, ça va pas très bien. Pourquoi le câble ? Quelle différence ça fera, le câble ? Ça, tu as bien raison. Si ça se trouve, il y a encore plus de juifs et d'homosexuels sur le câble, payant, que sur la télé normale. Ça, si on peut appeler ça normal. Hein. J'aime pas quand tu parles comme ça. Écoute bien, ma petite fille. Moi, je suis une républicaine de la République française. À l'époque de la République, on m'a appris que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça te dit quelque chose, ça ? Égaux en droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espèce protégée. Parce qu'avec leur nouvelle loi, là, peut-être tu peux plus dire gros PD ou sale juif. Mais moi, tout le monde peut continuer à me traiter de grosse capourde. C'est ça, l'égalité ? Personne te traite de rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes, maman ? Je raconte ce que je sais. Hier, à la poste, il y avait une femme devant moi, avec sa fille, jolie comme tout. Je lui dis, qu'elle est mignonne, votre petite. Elle est de quelle année ? Tu sais ce qu'elle me répond, cette femme ? Non. Ici, madame, elle me fait. On est en France. On ne dit pas « année », on dit « année ». Je dois dire qu'elle m'a soufflé. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie sans dire un mot, alors que ça faisait 20 minutes que je faisais la queue, que j'étais presque arrivée au guichet. Il y a des gens méchants partout. C'est pas une raison pour faire comme eux. Oui. Eh bien, je peux te dire que c'est pas pour tout le monde pareil. Des gens comme toi et moi, on n'a plus rien. On n'a même plus autant que les autres. On a moins. Personne ne nous défend, nous. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Je vais chercher que si tu étais juive, c'est-à-dire que si moi j'avais été juive, hein ? Si tu avais été juive, ils auraient déporté tes parents et t'existerais pas. Je vis à Drancy. Je suis bien placée pour t'en parler. Ou que si tu étais, par exemple, homosexuelle. Ah ben, ça te changerait la vie. Comment ça ? Ça te rendrait intéressante, voilà. Peut-être tu passerais à la télé, tu rencontrerais des gens intéressants. Il y a des gens intéressants qui s'intéresseraient à toi. Et tu n'en serais pas réduite à vivre avec un arabe. Maman, il n'est pas arabe. Dis donc, vous faites compte séparé au moins. Non, l'argent que je mets sur ton compte à la caisse d'épargne, il va pas direct dans sa poche quand même. Bon, au revoir, maman. Ne me dis pas que tu l'entretiens à rien faire. Il ne fait pas rien. Il est au RMI. Il est dans le gardiennage, tu sais très bien. Tu m'as pas dit qu'il attendait un travail à Roissy ? Bon, là, il est en instance, d'accord ? C'est une autre société de gardiennage. Il serait vigile de nuit dans une des galeries marchandes à Roissy. Mais c'est long, parce qu'il y a beaucoup d'entretiens, de vérifications. Il y a beaucoup de sécurité. Ah, tu vois. Eux aussi, ils se méfient. Ils prennent pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est le garçon que j'aime. C'est le garçon avec qui je vis. Pourquoi tu achètes pas un de ces sacs à dos comme portent les jeunes maintenant ? Ça fait ancien de se promener comme ça avec une valise. Mais je me promène pas. Ah non ? Les sacs à dos, tout le monde en a. C'est pour prendre le métro, pour aller nulle part. Moi, je marche avec une valise à la main. Je suis prête à partir. Partir ? Partir où ? Là, par exemple, je vais passer cette porte et partir. Je m'en vais de chez toi. Je t'ai assez vue. Au revoir, maman. Au cinéma. Tenez. Ah, pardon. Voilà. Merci, monsieur. C'est par là ? Oui, salle 1. Je vais vous aider ? Non, c'est juste... Vous me faites penser à quelqu'un. Ah, on ne me l'a jamais fait, celle-là. Non, vous avez raison, studio. Vous allez vous moquer de moi, mais... Vous me faites penser à... C'est votre façon d'être quelque chose. D'ailleurs, vous ne devez pas connaître, ça ne vous dira rien. C'est parce que je suis cinéphile, forcément. Votre film commence. Daniel Darieux dans Madame de... Ophuls. Excusez-moi. Comment ? Attendez, vous avez dit quoi ? Vous voyez, ça ne vous dit rien. Un vieux film, c'est tout. C'est incroyable que vous disiez ça. Vous connaissez ? Mais je ne ressemble pas du tout à cette actrice. Si. Si, il y a quelque chose. Vous trouvez que je ressemble à Daniel Darieux ? C'est la première fois qu'on me dit ça. C'est le générique. Pardon ? Votre film, ça commence. C'est le générique. Vous êtes cinéphile, non ? Vous ne voulez pas rater le début ? Non. Ou bien je ne vois pas le film. Je le vois un autre jour. Et je vous invite à prendre un verre. Non, allez-y. Je dois faire l'entrée de la prochaine séance et j'ai fini. Si vous m'attendez, après, on peut prendre un petit café. Juste au coin. Ah bon? Mais... D'accord, je vous attendrai. Non mais allez-y vite, hein, ça commence. Bon. À tout à l'heure, alors. On ne part pas. Putain. Merde. Alice ? Alice ! Eh oh, Alice ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est où, la carte ? T'as vu l'heure ? Je dormais, je te signale. Tu dormais pas, tu t'es levée. Elle est où, la carte ? Quelle carte ? La carte pour la télé, la carte de Brahim. Il est 5h30, là. Et la carte que Brahim m'a filée, tu l'as mise où ? Je me lève à 7h, figure-toi. Eh ben, comme ça, c'est fait, t'as 2 heures d'avance. Pourquoi tu touches à mes affaires tout le temps ? Je suis crevée, mais toi, tu t'en fous. Mais tu l'as balancée ou quoi ? Elle marchait plus, je te dis. Tu sais bien qu'ils finissent par repérer à force et que je coupe l'abonnement. Ah putain, tu fais vraiment chier. Attends, tu me parles pas comme ça, ok ? Elle est épuisée, ta carte. Comme moi, je suis épuisée aussi, moi. Hé, hey, Alice. Viens là, s'il te plaît. Allez, viens, Alice. Quoi ? Viens, s'il te plaît. J'ai envie. Moi, j'ai pas envie. Je me lève à 7h. On n'a pas le temps. Mais il y a toujours le temps pour ça, on n'est jamais fatigué pour ça. Et puis ça me plaît pas si tu regardes ailleurs. Ailleurs ? De quoi tu parles ? Mais fais comme tu fais d'habitude. Débrouille-toi. Comment tu parles ? T'es pas gentil. T'étais gentil au début, t'aimais ça ? Arrête ! Mais quoi ? C'était il y a un mois ! Qu'est-ce qui a changé depuis ? Hein ? Pourquoi tu veux plus rien faire ? C'est pas ce que je croyais. Allô ? Ce que tu croyais ? Tu croyais quoi ? Tu m'as aidé à porter les valises, tu m'as parlé de l'aéroport. Je croyais qu'on allait voyager. Ah ouais ? C'était le 3 juillet, on est le 20 août. Bah je te signale que tu travailles tous les jours. Et que moi, je dois garder ce local pour mon patron. T'étais d'accord ? On avait dit qu'on acceptait de garder son dépôt en août. En attendant, tout le monde est en vacances et nous, on est là. Attends, t'as pris tes congés en juillet, non ? Quand on s'est rencontrés, t'étais en congé, tu m'as dit. Mais je suis pas partie. Eh ben, c'est pas bien Paris l'été ? Paris, je sais pas, vu qu'on est à Drancy. Oh putain, arrête. Là, tu commences à me les casser, là. J'en peux plus. Je veux qu'il arrive quelque chose, un truc, n'importe quoi. Où tu vas ? Où tu vas ? Je peux plus vivre comme ça. Je veux partir. Où tu vas ? Tu vas pas sortir. Tu vas pas sortir maintenant. Écris pas, s'il te plaît. Où tu vas ? Faire un tour. Tu vas à Roissy ? Réponds, tu vas à Roissy ? Mais qu'est-ce que t'as avec Roissy ? Ils m'ont pas encore donné de réponse, tu le sais bien. Bah, cette heure-ci, y a que Roissy qui est ouvert. Tu vas à Roissy ? Non, je vais pas à Roissy, je vais à Paris. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris à cette heure-ci ? Tout est fermé à cette heure-ci. Mais vas-y, tu verras si c'est fermé. Ça s'arrête pas à Paris. Des fois, ça a l'air de dormir, mais ça dort que d'un œil. Je vais descendre aux Halles. À la station Les Halles, tu vas faire quoi ? Un tour, un petit café, voir le jour se lever d'en haut sur le forum. Emmène-moi à Roissy. On verra les avions du matin. Putain, mais c'est quoi ton problème avec Roissy ? Moi, j'arrive aux Halles, tu vois. Je sors du RER. Niveau moins 3, peinard. Et je prends le grand escalator, tu sais, qui t'amène direct dans la rue. À cette heure-ci, peut-être que je suis seul. Et je monte du centre de la Terre, droit vers le ciel du centre de Paris. Et c'est trop bien. C'est ça le voyage, mais toi, tu peux pas comprendre, toi, il te faut des trucs de fou avec tes valises tout le temps et ton Roissy. Oui, et bah toi, ça te suffit peut-être le Forum des Halles, mais moi non. Moi, je veux le ciel, le vrai ciel, prendre l'avion, partir loin, voilà. Ben en attendant, à 7h, il va falloir que tu sois au Lidl pour ouvrir ta caisse. J'ai droit à 2 semaines encore. Il m'aurait fallu les prendre maintenant. Mais t'es bouché ou quoi ? On a accepté de le garder le local en août ou pas ? T'es sûr que c'est pour le grand escalator que tu vas au hall ? C'est pas plutôt pour traîner dans ce bar où tu vas, là, où il y a tous les mecs qui sortent des afters ? Quel bar ? Ce bar, là, le Teuf Café ou je sais pas quoi. Le Teuf Café, de quoi tu parles ? Le Teuf Café ou zone ceux qui sortent des afters. Ouais, bah moi, tout ce que je t'ai dit, c'est que j'aimais prendre un petit café sur le forum. Ouais, et dealer du shit au Teuf Café avec les mecs qui entrent et sortent des afters. Putain. Et de quoi tu parles ? Je te mets là ça, moi ? Tu m'as trop crispé, là. Je me casse. Joe, reviens tout de suite ! Joe, emmène-moi avec toi ! Emmène-moi à Roissy, Joe ! Joe ! Je viens avec toi, Wal ! Passons la journée ensemble ! Joe ! Je suis enceinte de toi, Joe. Je sais même pas si je t'aime vraiment. Madame 2. Mais tu dirais que les corpus de Louise de Villemorin et d'André Malraux présentent une influence croisée, une intertextualité? Dans les faits, leur soi-disant conversation était plutôt un assaut de monologue. Mon oncle a dit que Louise était morte étouffée par ses propres paroles, du dépit de ne pas pouvoir surpasser Malraux dans le débit. Débit, dépit. Décidément. Quoi? Dès qu'on aborde la structure, tu en donnes une explication par la vie privée, l'anecdote, le sentimental. Moi, j'étais enfant. C'est mon oncle qui a connu tous ces gens. J'ai grandi en écoutant ces histoires. J'entendais les adultes parler de tout ça. Moi, j'étais gamin. C'est vrai que c'est un peu des potins. Non, pas du tout. Je suis heureuse d'avoir ce matériau. Tu es un témoin. Indirectement. C'était le frère de mon père, le témoin. Sa mémoire, c'est ton héritage. Je ne suis pas structuraliste, hein. Je suis dans une sorte de biographisme réac, c'est ça? Pas du tout. Tu es un témoin. C'est génial, un témoin. Je suis super heureuse qu'on soit rencontrés. Tu es une fille incroyable, tu sais. C'est inouï ce qui se passe. Comment ça? J'ai eu ce genre de conversation dans le passé avec Barthes lui-même. Tu as connu Barthes? J'étais en pleine rébellion contre ma famille, sa mondanité, sa culture de droite. J'ai rencontré Barthes. Et maintenant, toi qui es comme une synthèse des deux. C'est une coïncidence. Même pas vraiment. En fait... C'est pas étonnant que tu déchaînes les passions. De quoi tu parles? Tu vas encore dire que je réduis tout à une intrigue sentimentale, mais... Ce n'est pas une coïncidence qu'on se soit rencontrés il y a 3 semaines au cinéma. En fait, c'est un stratagème. Je suis un ami de Adam Jean. De qui? Eh bien, tu sais, Agi. Agi. Quoi? Oui, alors tu es libre de partir, de ne plus m'adresser la parole à moi non plus, mais je le regretterai. Parce que même si au départ, c'est pour lui que je me suis prêté à ce petit jeu, 3 semaines plus tard, je ressens une espèce de vive sympathie. Structuralisme mis à part. Non mais qu'est-ce qu'il espérait de tout ça? Qu'est-ce qu'il attend? Pour lui, ce n'était pas une petite flambée érotique. Tu es la femme de sa vie. C'est ce qu'il dit. Mais c'est dingue, ça. Comment tu peux être amie avec un type pareil? Toi-même, il ne te déplaisait pas au début. Je comptais le garder comme ça, à côté, un temps. Baiser avec lui, c'était... Ça me changeait. Il a un côté tellement trop, quoi. Naïf, chien fou... Il m'amusait. Alors je m'étais dit, wow, ben pourquoi pas, de temps en temps... Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je l'ai trouvé vraiment trop con. Ah. Tu es amoureux de lui? Amoureux? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un garçon qui me touche, oui. Mais ce n'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qu'il s'imaginait? Il croyait que ça allait changer quoi? Il croyait que tu accepterais de le revoir. Mais pourquoi faire? Ça ne marchera jamais avec lui. D'abord, il vote à droite. Évidemment. Mais il faut le comprendre. C'est un jeune ingénieur qui travaille sur de gros chantiers en Chine. La France, lui, il la voit de là-bas. C'est un bâtisseur, un type positif. Il agit, il avance. Il n'est pas dans les commentaires, les états d'âme. Il est comme les Français de l'étranger. Il se préoccupe de la place de la France, de son poids économique, de son rayonnement. Il y a aussi de la noblesse là-dedans. Je suis sûr que même toi, tu peux apprécier ça. J'arrive même pas à être en colère contre toi. Tu vois comme il m'est devenu indifférent. Il faut que tu lui donnes une deuxième chance. Tu as déjà été amoureux d'une fille? Hein? Oui, il y a longtemps. Je veux bien revoir Agi, mais à condition que tu sois là. Qu'on fasse un truc à trois. Un truc à trois? Agi ne voudra pas, mais si c'est la condition pour me revoir... Que tu es complètement cinglé. Je peux te poser une question? C'est quoi ce nom, Onyx? Mon vrai nom, c'est Judith. Judith Blechstein. Ça faisait trop princesse juive. Tandis que Onyx, c'est... Oui? Oui, Arnaud. Quoi? Ah oui. D'accord. C'est pas vrai. C'est incroyable. Elle est indemne? Juste choqué, quoi. Non, j'ai rien entendu, je suis en rendez-vous, là. Le président fait une déclaration. En ce moment? Bon. Écoute, je vais mettre la radio dans la voiture. Oui, d'accord, tout de suite. Il s'appelle comment, tu dis? Le flic. Oui, attends, je note. Oui. Oui, bon, je te rappelle de là-bas. Merci, Arnaud. Oui, c'est tout à fait pour moi. Je m'en occupe. À plus. Bon, on s'en va. Tu viens avec moi? Je crois que ça va t'intéresser. C'était qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon contact au ministère de l'Intérieur. Une jeune femme enceinte agressée dans le RER. Un acte antisémite. Le président réagit, je vais tâcher d'assurer sa défense. Elle est au commissariat Bobigny. Je vais avoir besoin d'une stagiaire. Tu viens? Mais je n'ai pas fait de droit. Normal sup. On s'adapte, non? Et puis, une spécialiste de la structure, c'est toujours utile. Ils lui ont fait quoi, la fille? Ils l'ont molestée, ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont fait des croix nazies au marqueur sur le ventre. Mais ça ne finira jamais. Premier titre de ce journal, l'incroyable agression du RER B. En plein jour, une jeune femme enceinte d'origine juive a été agressée par 4 voyous issus de quartiers difficiles. 3 beurs et un noir se sont livrés à un véritable lynchage. Ils lui ont coupé les cheveux, ils l'ont déshabillé, ils ont dessiné des croix gammées sur son ventre. Le président de la République a exprimé son effroi. Mère et fille. Devant cet acte odieux. Les témoignages d'indignation... Ma chérie, ma petite fille, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Maman chérie. Mais alors, tu es enceinte? Ils ont dit à la radio que tu étais enceinte. Mais ils t'ont pas violée, si? Mais non, ils m'ont pas violée. Je suis enceinte de Joe. De qui? De Joe, de Joseph, de qui veux-tu? Oh, tu te rends compte? Moi, ta mère, apprendre tout ça à la radio. Oh, je sais plus où j'en suis. Depuis ce matin, j'ai la mounine. Je sais plus où j'en suis. Ils m'ont jeté par terre. Ils m'ont coupé les cheveux. Ils m'ont dessiné des croix gammées sur le ventre. La dame de la station Blanc-Ménil a été très gentille avec moi. C'est elle qui a téléphoné au commissariat. J'ai raconté l'histoire plusieurs fois. Mais pourquoi ils ont dit que tu étais juive? Ils ont trouvé ma vieille carte d'identité dans ma valise, avec l'adresse de quand tu étais gardienne. Elle habite dans le 16e, le noir a dit. Dans le 16e, il n'y a que des juifs. Mais qu'est-ce que tu fabriquais entre le Blanc-Ménil et Drancy à 6h du matin? J'allais à Roissy-Charles-de-Gaulle. J'allais passer le week-end à l'Eden Rock avec des amis anglais. Mais c'est où ça, l'Eden Rock? Près de Nice. J'allais prendre la navette Paris-Nice de 7h pour être à l'Eden Rock avec ses amis anglais pour le petit déjeuner. J'avais dit que je leur apporterais les croissants et les journaux anglais de l'aéroport. Oh, mais c'est quoi ces anglais? Deux couples, Charles et Camilla, qui ont deux fils d'un premier lit, et Tony et Chéri qui ont des enfants, mais plus âgés. Ils louent une suite tous ensemble à l'Eden Rock. Ils trouvent que c'est beaucoup plus familial que Biarritz. Avant, ils louaient une maison dans l'Ariège, mais les villageois étaient beaucoup trop racistes et antisémites. Et puis, ils n'avaient pas d'amis français, alors quand ils m'ont rencontré, c'était l'occasion. Oh, ma pauvre petite. Nous sommes dans un commissariat. Tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Tu es exaltée. Calme-toi. Calme. Excuse-moi, mais je suis même pas sûre d'avoir le droit de te raconter tout ça. Mon avocat m'a demandé de ne parler qu'à lui pour le moment. Et cet avocat, où l'as-tu trouvé? C'est un ténor du barreau qui a été commis d'office. C'est un homme de gauche, mais Nicolas le connaissait très bien quand même. Nicolas? Au téléphone, le président avait l'air très content que ce soit lui qui s'occupe de moi. Tiens, maman, c'est lui. Il va falloir nous laisser. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Maître. Bonjour, maître. Mais voyons, Alice, ça n'a pas d'importance. Je suis venue dès que j'ai pu. Ma petite fille est très choquée, je trouve. C'est ma mère. Elle s'en allait. Mademoiselle Blechstein, mon assistante. Madame. Enchantée, mademoiselle. Ah, vous êtes bien mignonne. Vous devez avoir à peu près l'âge de ma petite. Vous êtes de quelle année? Maman. C'est bien qu'il y ait quelqu'un du même âge qu'elle. Et une fille aussi, qui comprenne par quoi elle est passée, la pauvre. Maman, laisse-nous, s'il te plaît. Vous voyez comme elle me parle? Je m'en vais. J'aimerais bien vous parler au téléphone, madame, plus tard dans la journée, peut-être. Mademoiselle Blechstein va prendre vos coordonnées. Tout de suite, maître. Je m'en occupe. Oui. Il y a 2-3 petites choses qui ne sont pas très claires, Alice. Je voudrais que nous parlions ensemble, seul à seul. Sans mademoiselle Blechstein? Oui. Juste vous et moi, d'être humain à être humain. Vous me faites confiance. Vous voulez bien. Retrouvailles sur fond d'orage. Onyx, il y a quelqu'un qui veut te voir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vous laisse seul. Je suis content de te voir. Ouais. Tu travailles avec lui maintenant. Tu le connais lui mieux que moi maintenant. Oui, j'ai fait ce stage avec lui. Ça me passionne. Et Madame Deux, Ophuls, Villemorin, tout ça, oublié ? Ça peut attendre. À côté de l'affaire Alissa, ça ne fait pas le poids. L'affaire Alissa ? Oui. Je suis content que vous vous entendiez bien, que tu fasses ce travail pour lui. C'est pas ce que tu crois ? Qu'est-ce que je crois ? Tu crois que cet arrangement, ce travail, c'est à toi que je le dois ? Que c'est le résultat de ton stratagème, que tu es la source de ce qui nous arrive à Herman et à moi, ce qui t'autorise à dire que tu es content. C'est pas complètement faux. Est-ce que tu peux envisager qu'il y ait des choses qui te dépassent ? Oui, tout le temps. Dans l'avion pour Shanghai, tu sais... Eh bien, ce qui arrive en ce moment, ça te dépasse. Ta rencontre avec Herman ? Ma rencontre avec Herman, je sais qu'elle a été fabriquée. Mais l'agression d'Alice dans le RER, la multiplication des incidents antisémites en France, l'évolution de l'antisémitisme français, ce sont des événements objectifs. Certes. Oh, ne dis pas certes sur ce ton. Mais tu ne pouvais pas prévoir qu'il allait s'occuper de ce dossier, puisque l'affaire n'avait pas eu lieu. Tu ne pouvais pas prévoir que moi, j'accepterais de travailler avec lui là-dessus. Tout ça découle du fait que vous avez la même forme d'esprit. Et ça, je l'avais compris. Oui, mais tu ne savais pas que j'étais juive, comme lui. Non, ça, je n'y avais pas pensé. Pas consciemment, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Arrête de tout analyser, ça veut dire que je pense pas à ces choses-là. Au fait que les gens peuvent être juifs ou pas ? Oui, je n'ai pas ces préjugés, je n'y pense pas. Alors pourquoi dire que tu y as peut-être pensé inconsciemment ? Parce que vous avez la même forme d'esprit, tiens. Une façon de couper les cheveux en quatre. Que vous décortiquez toujours tout, tous les deux. Ah, les juifs décortiquent tout ! La question est de savoir pourquoi ça continue. Pourquoi ça se perpétue ? Pourquoi ça se renouvelle ? La suspicion du juif, le ressentiment, la haine même de la sensibilité du juif, de l'intelligence du juif, de l'idéalisme du juif. C'est le mystère du bouc émissaire. En tout cas, votre affaire du RER, c'est juste la transposition banlieusarde du conflit israélo-palestinien. Rien de très nouveau. Non. Je ne suis pas sûr que ce soit le sens de notre affaire du RER, comme tu dis. C'est pourtant évident. Une victime juive, des agresseurs beurs. Oui. C'est le sens si ça s'est vraiment passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça ? Ça s'est peut-être pas passé du tout. Je comprends pas. Elle t'a dit quelque chose ? Non, mais... rien ne colle dans cette histoire. Alice est une adolescente à la dérive, perdue, mythomane. Mais alors ? Alors j'ai un doute horrible. Si c'était un montage, ou juste... un emballement, une erreur, une faute de l'État, des médias. Bon, ce serait énorme. Une triste date pour les Juifs de France. Pas un incident antisémite de plus, un incident antisémite de moins qui jette la suspicion sur tous les autres. Qui discrédite les statistiques de l'augmentation des actes antisémites. Parce que c'est une affabulation... On sait bien comment sont les Juifs, ils ont un délire de persécution, ils exagèrent avec leur monopole du traumatisme. Les actes antisémites n'existent pas. Les camps de concentration n'ont pas existé. Affabulation, négation, CQFD. Attends, personne n'a encore dit ça. Mais les cheveux coupés, les croix gammées au marqueur noir... C'est elle. Peut-être avec la complicité d'un proche. Sa mère ? Non. Plutôt son petit ami, Joe. Mais peut-être même pas. Il n'y a que toi qui es au courant ? Oui. Et Alice, et Joe, et maintenant vous. Ça va sortir quand ? Je sais pas, justement. Et si ça sortait pas ? C'est la question, hein, bien sûr, petit Onyx. Je savais que tu dirais ça, tu vas plus vite que moi. Elle a dit quoi ? Je comprends pas. Je dis que la vérité profonde de l'histoire d'Alice n'est peut-être pas la vérité anecdotique du récit d'Alice. Je dis que le discours d'Alice n'est pas ce qui compte, au fond. Que ce soit vrai ou faux, cette histoire, c'est symptomatique. Ça révèle l'inconscient profond d'une société française, où les actes antisémites se multiplient. Mais c'est la fille qui a crié au loup, c'est tout. Et qui a fini dévorée par le loup, hein, merci. Cette manie que tu as de tout ramener à des histoires traditionnelles, à des dictons de grand-mère, c'est bête. Tout le monde ne peut pas passer sa vie dans Roland Barthes. Tu vois, c'est exactement ça le fond du problème. Tout ramener toujours à cette France crypto-rurale et péténiste. Péténiste? Mais oui, mais bien sûr. Bon, stop, vous arrêtez tous les deux. C'est vous qui dites je sais pas quoi, qui dites que ça n'a pas d'importance, que ce soit vrai ou pas. Ce n'est plus un fait divers, c'est un fait de société. Nous sommes tous la juive du RER. Il faut monter d'un cran, passer du juridique au politique. Non, Onyx. Agi a raison. S'en tenir aux faits. Le droit, c'est établir le vrai, faire de la politique. C'est pas comme tu dis, monter d'un cran, c'est descendre. Descendre dans le fantasme. De toute façon, pour le moment, rien n'est sûr. C'est juste un horrible doute, tu as dit. Continuons de lui parler, rien n'est établi. On verra. On verra, oui. Ça a été une longue journée, je vais dormir. Vous claquerez la porte ? Allons dîner. Toi et moi. Je t'invite à dîner. Après, je voudrais qu'on aille chez moi. Que tu dormes chez moi. Je veux bien dîner avec toi, mais une chose à la fois. Pour après, on verra. Le petit ami d'Alice. J'ai des raisons de penser qu'Alice a peut-être été débordée par sa propre histoire. La passivité des usagers devant cette agression qui dure 20 minutes. L'absence de témoins qui ont pourtant dû quitter le train à chaque station. Je voulais vous voir seul. Quel est votre sentiment sur le récit d'Alice ? Quoi ? Vous pensez que ça s'est passé, comme dit Alice ? Qu'est-ce que j'en sais, moi, j'y étais pas. Mais vous connaissez Alice ? Bah oui. Et quand vous l'avez rencontrée, vous habitiez vous-même Drancy ? Bobigny. C'est pas très loin. Quoi, vous connaissez ? Un peu. Enfin, il m'est arrivé d'y aller. Au théâtre. La MC 93. Ouais, les Parisiens, ils prennent le dernier métro à la queue leu-leu. Et des fois, vous, vous êtes dedans, alors. Moi, j'y vais plutôt en voiture. Le parking est un peu redoutable. Vous vous êtes fait agresser ? Pas vraiment. Il est toujours désert, ce parking. Il faut croire que les gens le redoutent. Il y a des vigiles, des chiens loups. En revanche, à la sortie, on se retrouve tout seul. Un escalier en béton qui pue la pisse, les capotes usagées, le vomi. Une fois, il y avait une bande de types à la sortie, assis sur le parapet avec des packs de bière. Un comité d'accueil pas très rassurant. Ils vous ont tapé ? Non. Il y en a un qui a dit à voix basse, il va au théâtre, le PD. J'ai demandé ce qu'il avait dit, et son copain m'a répondu, il demande si tu vas au théâtre, PD. Et j'ai dit, dites-moi plutôt quelque chose que je ne sais pas. Ah ouais, t'as dit ça ? Ça veut dire quoi ? C'était de l'humour. Ça veut dire que je sais que je suis PD, je sais que je vais au théâtre, que j'ai pas besoin qu'on me le dise. T'aimes ça, le théâtre, alors ? Faut croire, pour prendre des risques pareils. Et alors, ça s'est mal passé ? Le vigile est remonté à ce moment-là avec son chien loup. J'ai hâté le pas vers le théâtre, c'était fini. T'aimes les mecs, alors ? Oui. T'es un PD, alors ? Oui. C'est un problème ? Du moment que tu fais pas ta pute avec moi, ça va. Ma pute avec toi ? Ça veut dire quoi ? C'est l'impression que je te donne ? Oh, lâche l'affaire, ok ? Laisse tomber. Je suis pas là pour parler de ça, ok ? T'es l'avocat d'Alice, on parle d'Alice. Et puis je me casse direct, ok ? Votre relation avec Alice, vous la définiriez comment ? Bah, pas facile, quoi. Alice, elle vit dans son monde, à elle. Des fois, elle se voyait comme une princesse, elle voulait faire des voyages. Moi, j'étais pas assez bien. Et elle était pas gentille, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par « pas gentille » ? Bah, tu sais bien, elle voulait jamais, alors qu'au début... Et ça te manquait ? Attends, tu cherches quoi, là ? Bah, calme-toi ! Vas-y, file-moi 150 euros. Oh, file-moi 150 euros! Pourquoi? Tu me files 150 euros et tu me suces, ok? Tiens. Merde, c'est Alice. Je réponds. Allô? Ouais. Ouais, bon, bah, tout de suite. Ouais. Ok. C'est Alice, elle est en bas avec sa mère, dans un café. Elles ont fini leur course, elles boivent un café et puis elles montent. Tiens, je t'en rencontre, connard. Garde. Pour la prochaine fois. Tu sais, il n'y aura pas de prochaine fois. Je sais. Donc, avant-hier, enfin, le matin où elle a décidé de faire ce qu'elle a fait, se taillader, couper ses cheveux, ses vêtements, les croix gammées, tout ça, la nuit qui a précédé le RER, elle s'était refusée à toi? Et ça faisait 10 jours qu'elle voulait plus rien faire, alors... C'est elle, tu leur ouvres? Oui, excuse-moi une seconde. Hé, mec! Tu parles de ça à quelqu'un, t'es mort, ok? Mais oui! Oui, évidemment. Non, mais sérieux, ok? Mais oui, oui, c'est... C'est entre nous. Ok. Bah alors, je vais te dire l'histoire d'Alice. Moi, j'en sais pas plus que toi. Mais mon sentiment, comme tu dis, c'est que peut-être il s'est passé quelque chose dans le RER. Mais c'est dans le RER qui roule dans sa tête. La fausse agression du RER. Placée en garde à vue, Alice Argent s'est revenue sur ses déclarations. La mythomane du RER B voulait attirer l'attention sur ses problèmes personnels. La jeune fille fragile a été dépassée par l'emballement médiatique de son propre récit. Les politiques ont été prises au piège du jeu des réactions hâtives. L'Élysée a demandé l'ouverture d'une enquête administrative. Le train de la peur était un train fantôme. Garde à vue. C'était tôt le matin. Jo était parti. J'aurais voulu qu'il passe la journée avec moi. Je me suis sentie si seule. Si seule? Mais tu te rends compte? Tu te rends compte de ce que tu as fait? De tous ces gens que tu as dérangés? Les gens du RER, les enquêteurs de la police et Patin Couffin? Que depuis 8 jours, tout le monde ne parle que de toi? Et cet avocat que tu t'es trouvé? Non, mais tu te rends compte de ce qu'il est? Tu te rends compte? Il est juif et homosexuel. Maman! Quoi, maman? C'est pas vrai, peut-être? Juif, il suffit de voir son nom sur la plaque et l'adresse de son bureau aussi. Son cabinet. Pour un avocat, on dit un cabinet. Et tu as vu une femme, toi, dans ce cabinet? Et puis dans la salle d'attente, il y avait un magazine. C'est pas une salle d'attente, c'est une antichambre. Il y avait un magazine Guy, comme ils disent aujourd'hui. C'est peut-être pour des clients qu'il a. Des clients qu'il a? Oui, qui sont comme ça. Dans le quartier où il est, il y a beaucoup de gays. C'est que tu peux être naïve des fois. Note bien qu'il soit juif, c'est logique, vu que tout le monde te croit juive maintenant. On t'a fourgué un avocat juif, logique. Vous vous soutenez entre vous. Enfin, je me comprends. Eux, je veux dire, ils se soutiennent entre eux. Et ton copain, là, cet arabe, ça doit lui faire drôlement plaisir, à lui, que tu sois juive. Parce que maintenant, tu te soucies des sentiments de Joe pour moi. Comment ça? Tu te soucies de ce que ça peut lui faire en tant qu'arabe que je sois juive? Mais puisque tu dis qu'il n'est pas arabe... Je savais plus quoi faire avec lui, pour qu'on revienne comme avant. Il fallait qu'il se passe quelque chose, je voulais qu'il m'aime. Ah ben, si tu voulais attirer son attention pour ça, c'est réussi. Maman, pourquoi t'as dit ce que t'as dit à la radio? Qu'est-ce que j'ai dit à la radio? Ce matin, à la radio, tu as demandé que je sois entendue par un psychiatre et que justice soit faite. Même toi, t'as parlé contre moi à la radio. Ma petite fille, mardi, tu passes au tribunal pour dénonciation de délit imaginaire. Moi, ta mère, je voulais pas avoir l'air de, enfin, d'une autre folle, d'une bénie oui-oui qui t'y amène à tout ce que raconte sa fille. Ça t'aurait desservi, tu peux me croire. C'est pour ça. J'ai dit ça pour qu'on sache que tu es d'une famille honnête, où on comprend les choses. Pour qu'on sache qu'on t'a bien élevée. Bon, maintenant, tu vas écrire une lettre d'excuse. Ils ont demandé 6 mois de prison et 7000 euros d'amende. Où on va le trouver, l'argent? Ne t'occupe pas de ça. On verra ça avec ton maître Wolf. Maman, je veux pas aller en prison. Je leur doute. Maintenant, tu vas écrire ta lettre d'excuse. J'ai fait un brouillon. Je la lirai à la radio. Tu vas revenir à la radio ? À tous ceux que j'ai trompés et blessés par mon acte. Je veux dire que je suis profondément désolée. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République et aux personnes qui ont manifesté leur soutien sur mon mensonge. Je veux dire aussi pourquoi je l'ai fait. Mais dire quoi ? Que j'ai fait ça par peur de la solitude. Pour me protéger de ma vie. Je voulais qu'on m'aime. Mais ça, on a compris. Tu t'excuses et c'est tout. De toute façon, mardi, tu devras répondre aux questions du tribunal, alors... Bon, allez, écris. À tous ceux que j'ai trompés et blessés par mon acte. Je veux dire que je suis profondément désolée. Bart a dit. C'est cool qu'il nous ait laissé son appartement tout le week-end. De toute façon, il partait ce week-end. T'es belle. T'as pas froid ? J'ai retrouvé le passage de Bart. C'est un texte de 1958. Tu m'écoutes ? Oh non, tu vas pas me faire la lecture. Dis-moi plutôt ce qu'il dit. En gros, il dit que les antisémites sont forcément de droite. Fais voir. Tiens. C'est quoi pour toi la colonisation ? C'est ce refus de l'altérité dont parle Barthes. C'est imposer son identité à un autre qui n'en veut pas. Mais c'est aussi construire des routes, des ponts, des écoles et des hôpitaux. Ouais. Ouais, ça peut en résulter. Et puis des choses inutiles aussi, des utopies, mais qui surgissent, qui modifient le réel. Ça, c'est une violence. Tu sais, à Shanghai, dans la concession française, les Français, ils avaient apporté des platanes, par bateau, du midi de la France. Maintenant, ça fait de belles routes ombragées, presque trop sombres dans la lumière laiteuse, aveuglante de la Chine. Les Français, ils sont partis, mais il reste cette fraîcheur des platanes français. À Shanghai. Tu es nostalgique. On va prendre ta douche. Puis on va manger un morceau dehors, oui ? J'y vais. Onyx. Onyx. Onyx. Onyx. Onyx. Onyx. Attendez. Je vais juste éteindre le... Moi, je croyais que c'était le... Je croyais que c'était elle qui sonnait, que c'était enfermé dehors. Onyx ? Oh, merde ! Je tombe mal, je... Non, non, ça n'a rien à voir avec vous, je... Onyx vous a quitté ? Oui. Joe m'a quitté aussi. C'était mon ami, Joe. Je suis désolé. Quand vous m'avez ouvert, j'ai cru que vous étiez l'ami de Herman. L'ami ? Oui, son ami, comme c'est vous qui... Quoi ? Oh, non, non, non, non, je suis pas... Oui, je sais, vous dites tous ça. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? Mon ami, Joe. Celui qui m'a laissé tomber pendant que j'étais en garde à vue. Il m'a dit que Maître Wolf lui avait proposé 150 euros pour qu'il le laisse le sucer. Ah bon ? Mais il a pas accepté. Il dit que non. Moi, je crois qu'il l'a fait. Je crois que les garçons, vous couchez souvent entre vous. Moi, ça m'est égal et je comprends très bien, au fond. Étant donné comment vous êtes fait. Moi, quand je vous ai ouvert, j'ai tout de suite su qui vous étiez. Vous m'avez vu à la télévision ? Oui, et puis on m'a dit que vous vous promeniez partout avec une valise. C'est vrai que j'ai toujours une valise, mais je me promène pas. Regardez le message qu'elle m'a laissé. C'est pas bien d'écrire dans un livre comme ça. Non, je sais. Mais c'est plutôt ce qu'elle écrit. Le premier mouvement était le bon. Barthès a raison, mais c'était bien. Non, pas Barthès. Barthes. Le philosophe. Roland Barthes. Je connais pas. Pourquoi il a raison ? Onyx pense que je suis antisémite. Ouais, Ma mère est antisémite. Ça ne m'empêche pas d'être juive. Ah bon? Mais je croyais que vous étiez pas... J'ai décidé de l'être. Vous vous êtes convertie? Oui, en quelque sorte. Vous devriez le faire savoir parce que vous avez provoqué un sacré bordel. En même temps, c'est depuis que je suis juive que Joe m'a laissé tomber. Et vous? Je... Au fond, j'en sais rien. C'est peut-être parce que je suis pas juif que Onyx m'a quitté. Peut-être c'est tout juste ça, au fond. Ou bien alors, juif, c'est juste un mot qu'on emploie pour ça. Un mot prétexte qui veut dire qu'on quitte ou qu'on est quitté. Qui sait? Un mot magique qui met hors jeu. Comme on dit pouce dans les jeux d'enfants. Juif, c'est le mot adulte pour dire pouce. Il est venu me chercher à ma sortie du commissariat pour me dire qu'il partait. Du coup, je voulais pas rentrer avec lui et je voulais pas voir ma mère non plus. Alors je suis venue direct chez Hermann. Enfin, chez Maître Wolf. Je me suis dit qu'il avait été toujours très bien avec moi. Il n'est pas là ce week-end. Vous voulez qu'on aille manger un morceau? Je suis à découvert sur mon compte et interdite de chéquier. Il me reste 23 euros en liquide, c'est tout ce que j'ai pour le restant de ma vie entière. Mais je vous invite, bien sûr. Je veux bien. Vous avez de très beaux yeux. Bleus. Très brillants. Et vous? Vous êtes une drôle de fille. Vous voulez pas m'embrasser? Je ferme les yeux et vous m'embrassez, d'accord? Voilà, je suis enceinte. Tu sais, on tombe pas enceinte simplement parce qu'un garçon t'embrasse sur la bouche. Non, je sais, je suis enceinte de Joe. Mais je lui ai dit que c'était fou, que c'était inventé, comme tout le reste. Je peux t'embrasser encore? Si tu veux. Mais je préfère être franc avec toi, ça m'a pas fait... Ça m'a pas fait comme avec elle, voilà. Pardon de te dire ça. Moi non plus, ça m'a pas fait comme avec lui, mais... Est-ce qu'on a le choix? Je suis tellement seule. Et toi aussi, non? Papa, maman, à l'aéroport. Ils ne sont pas juifs, ni l'un ni l'autre. Ils ne sont pas homosexuels, ni l'un ni l'autre. Alors ils ont peut-être une chance d'être heureux. En tout cas, s'ils viennent à se marier, je doute que vous et moi passions jamais Noël ensemble. Et juifs, vous fêtez Noël? Vous devez être malheureuse pour être aussi méchante. Mais quand même, vous venez accompagner Alice à l'aéroport. C'est dimanche. On est dimanche, je travaille pas. Malgré tout, vous êtes là pour votre fille. C'est aujourd'hui dimanche. Je fais ce qu'on attend d'une mère avec sa fille. Il faut bien faire ce qu'on attend de vous dans la vie. Je peux vous payer un café? Sont invités à se présenter à l'embarquement porte 23. Eh ben voilà, je crois qu'ils ont embarqué. Tout est dit, non? Ce garçon, vous êtes comme son père, finalement. Oui. Vous savez, entre beaux-parents, ça se passe toujours comme ça, hein, plus ou moins bien. Je ne suis pas son père et ils ne sont pas mariés. Pour le moment, elle va juste passer quelques temps avec lui en Chine. Il a accepté d'être garant de son obligation de soins. De là à nous dire vos parents... Ça coince, hein? On n'est pas du même milieu. Vous êtes riche et je suis pauvre. Ça, c'est plutôt la raison pour laquelle je passe sur beaucoup de choses que vous me dites. Oh, mais je ne cherche pas à vous apitoyer, vous savez. Je sais, c'est même ce qui fait votre charme. Vous aimeriez bien être à la place de ma fille, hein? À cet instant, dans l'avion, avec lui. Soyez contente, je suis riche et je n'ai pas ce que je veux. Et j'ai une vie de merde, moi aussi. Bah voyez, ça rassure. Les hommes naissent libres et égaux dans le malheur. Je vous ramène? Non. Je vais attendre un peu, m'offrir un petit café. Je prendrai le RER, c'est direct. Au revoir, Madame Argence. Adieu. Maître Wolf, bonne journée. Oui, vous aussi. Bon dimanche. RER, de Jean-Marie Besset. Avec Blanche Eluel, Alice, Johan Libéraux, Joe, Didier Sandre, Herman, Pascal Rénéric, Agi, Andrea Ferréol, Madame Argence, Mélanie Doutet, Onyx. Et les voix de Jean-Marie Besset, Antonin Lebas. Bruitage, Frédéric Antoine. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Clotilde Thomas, Annabelle Brouard, Jacques Taroni. RER est publié à l'Avant-Scène Théâtre.